besoin la foi pour nous vivre, la foi pour mourir, la foi pour nous ressusciter, pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous en fassions un système qui n'a pas bonne chance pour nous grandir. Si c'est notre travail pour détruire tout petit bon Dieu, il fait la vie à cher pour tout le monde, nous détruisons l'autre. T'arrives vraiment pour tout, j'y vis par la foi. Besoin la foi pour nous vivre, la foi pour mourir, la foi pour nous ressusciter, pour entrer dans le royaume bon Dieu. Besoin la foi pour nous vivre, la foi pour mourir, la foi pour nous ressusciter, pour entrer dans le royaume bon Dieu. Si chaque genou levé, si c'est ma vie, puis sauvage, oh oui. Il mettait tout en l'air pour l'empêcher de continuer vie. Si ça arrivait, bon Dieu décide pour n'adormir. Tant qu'on a pote pour nous, vécuer la foi, l'emmène-nous. Besoin la foi pour nous vivre, la foi pour nous mourir, mais la foi pour nous ressusciter, pour entrer dans le royaume, bon Dieu. Besoin la foi pour nous vivre, la foi pour nous mourir, mais la foi pour nous ressusciter, pour entrer dans le royaume bon Dieu. Si t'as bien malheureux pour ne pas entrer dans le royaume, non. Oh non, nous qui t'es accepté, tricalité, souffrance, monde ça. Faut tout dégager pour nous porter victoire sous la tombe. Avec yon la foi, j'en la foi solide, pape et branler. Besoin la foi pour nous vivre. La foi pour nous mourir, mais la foi pour nous ressusciter, pour entrer dans le royaume bon Dieu. Besoin la foi pour nous vivre, la foi pour nous mourir, mais la foi pour nous ressusciter, pour entrer dans le royaume bon Dieu. Même là, nous t'a mouru, pas penser toute bagaille finie. Oh non, faut ne pas quitter puissance, qu'embé dans la tombe. Qu'embé la foi, là même jusqu'à ce que à cause la palais. Laisse y la bâton pète à sonner pour nous ressusciter. Besoin la foi pour nous vivre, la foi pour nous mourir, la foi pour nous ressusciter, pour nous entrer dans le royaume, bon Dieu. Besoin la foi pour nous vivre. La foi pour nous mourir, la foi pour nous ressusciter, pour nous entrer dans le royaume bon Dieu. Pour nous entrer dans le royaume bon Dieu. Pour nous entrer dans le royaume bon Dieu. Pour nous entrer dans le royaume bon Dieu.